Ce jour, à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les cérémonies de visite aux serfs de Kim Il-sungien ont eu lieu du 1er au 8 juillet en Indonésie et en Guinée. Y est exposé les photos des exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, ainsi que les œuvres classiques des grands hommes Paektusan, des livres et des photos représentant les Kim Il-sungiens à fleur d'honneur et la Corée toute.